1989, un mois d'avril, le 24. Voilà que je sors de mon petit œuf d'un air très calme. C'est ce que ma mère m'a toujours dit. Mais mon caractère a peine au changé aujourd'hui. C'est vers 13-14 ans que c'est parti en vrille. Le béto comme calmant qui a changé ma vie. Des fois je fume, je pense à ça et je suis tech. Direct je le rallume pour oublier avec la def. J'ai pas choisi l'époque, mais j'ai choisi mes potes. J'ai pas choisi l'école, moi j'ai choisi l'hip-hop. Tais-toi, donne-moi une minute mec. Le temps d'en serrer la vodka dans le minute mètre. On a besoin de ça pour s'amuser, APX mec. C'est la semaine là, on est soudés comme les X-Men. Dans nos soirées, y'a rarement de happy end. C'est nos 10 premiers trams ou happy. Je te présente la Dream Team comme dans Ocean Eleven. Parmi mes gars, très peu étaient bon élève. Fais péter le son chez toi ou dans ta caisse et on t'agace. Même pire, on t'agace et on fait ça pour le plaisir, frère. On est sérieux, mais ça n'empêche qu'on veut le bif d'un joueur de série A. Derrière un micro, une feuille, c'est laxat, ta faute fait chier. T'as même plus besoin de laxat, petit frangin, mon troisième doigt. Tu sais où tu peux le mettre, ça. Avant de venir me voir, va faire un petit tour au médecin. C'est vrai, j'avoue, c'est pas le bien que j'incarne. Faites place, sinon ça va se terminer en carnage. C'est pour les mecs qui, avec mon cesse, régale. Sans l'espoir, nous demande pas ce qu'on se régale. On se regarde bêtement pendant que l'heure tourne. Les MC veulent la gloire, ils ont qu'à attendre leur tour. On est là, là, pour faire nos affaires, frère. On a perdu beaucoup trop de temps à faire la fête, certes. Les autres avancent pendant qu'on fait la sieste, mec. Souvent poster 7ème étage, préférerais être. C'est qu'on est hall, on est hall, pour faire nos affaires, frère. On a passé beaucoup trop de temps à faire la fête, certes. Les autres avancent pendant qu'on fait la sieste, mec. Souvent poster 7ème étage, préférerais être. Quand j'arrive, ça fait papa, papa, papa, la Samuel Cole. Je viens faire kiffer les muches et leurs petites amies connes. Les Khmerad gentils, ceux qui ramassent facilement une tape pas dans les gencives. Pour tous les sensibles, pour tous les gentils, ceux qui naissent dans le fric, qui sont perdus à écouter ma zik. Les limites masochistes qui ont du mal à offrir, mais qui prennent tout ce qu'ils peuvent. Ça se propage la connerie, mec, j'te dis sauf qui peut. J'espère que t'es satisfait. Voir tous tes amis se perdre, moi j'suis pire que vous. Et ça me fout les boules, j'suis pire que sous. Et ça coule de source, j'aurais voulu être bourge. J'rappe pour les sourds, y'a pas de bonheur sans les sous. C'est comme dire y'a pas de douleur sans les coups. Pour moi y'a pas de ça sans les couilles. Frère, pour moi y'a pas de ça sans les couilles. La vérité, on en veut toujours plus. Je suis hâle pour la semaine là, alors n'était premier opus. La vérité, personne ne veut te la dire. Ça fume, ça tise, on est bien loin du paradis. Je suis fait pour gagner frérot, mais les contraires s'attirent. Je suis désolé maman pour tous les problèmes que je t'attire. Comme dit Cabron, pour percer, faut plus qu'une tentative. Dans un monde où trop de salopes joue les tentatrices. Et bien pas me parler d'élus, on n'est pas dans la matrice. Il me faut des lampes pour me lancer dans la vie active. Pour le moment ça se résume à fumer et mater des actrices. Là où les soirées en ville peuvent laisser des cicatrices. J'évite les ondes, frérot, je suis pas quelqu'un d'axiste. Les coups de pute ça fait mal, mais t'inquiète, je résiste. Y'a un pote a besoin de moi, frérot, obligé, je l'assiste. Et pour les aider, faudrait un putain de compte en Suisse. Y'a plus d'espoir, donc autant dormir contre ça tombe. Je me fie qu'à moi et je me balance de ce que c'est qu'on me raconte. Je pue de ton cul puant, même si tu me trouves craquant. J'attends l'amour véritable et je me demande ce sera quand. C'est compliqué à expliquer, même si je suis appliqué. Obligé de rapper ma haine pour la soulager. Oublier cette insouciance qui nous pousse à nier. Qu'on a perdu parce qu'on pensait qu'on pouvait pas gagner. Je vis à la va-vite, chope des salmanies. Si t'aimes pas ma clique, fais la bise à ma bite. On fuck vos règles, on pisse par la vitre, on stocke nos rêves. Épuisé par la weed, mais j'excelle, excelle pour effrayer les pets secs. Si je crache moi, mec, c'est pas à cause des fêtes serres. J'suis pas une star montante, moi. Non, si je vends 500 CD, j'serais qu'à la scar content. J'sais qu'on est hall, on est hall pour faire nos affaires, frère. On a passé beaucoup trop de temps à faire la fête, certes. Les autres avancent pendant qu'on fait la sieste, mec. Souvent posté 7ème étage, près de forêt S. On est là, là pour faire nos affaires, frère. On a perdu beaucoup trop de temps à faire la fête, certes. Les autres avancent pendant qu'on fait la sieste, mec. Souvent posté 7ème étage, près de forêt S. Check. Eh, hey, c'est la smala, pas avec mes sons de congolerie. C'est pas jeunesse meurtrie, dédicace Golfi, POP. T'as écouté ce P?